Puis-je au moins sortir la tête et oublier qu'ici on ne sort pas. Je sais bien que ma petite ville arrête les plus belles espérances en contrebas. Puis-je au moins sortir la tête? Mais nous, on croyait qu'on serait loin et déjà revenu. Qu'à prendre la traverse en chemin, on fuirait nos ombres. Veut-on jamais savoir où être? Là dans mon trou à rats, on ne pense pas. Mais je sais bien que ma petite ville arrête les plus belles espérances en contrebas. Puis-je au moins sortir la tête? Mais nous on croyait qu'on serait loin et déjà revenu. Qu'à prendre la traverse en chemin, on fuirait nos ombres. Ailleurs qu'on serait loin et déjà revenu. Qu'à prendre la traverse en chemin, on fuirait nos ombres.